Lettre 92e, Agathoclès à Constantin, Lauréacum, juin 304. Si la Providence, ainsi que j'en suis convaincu, crée de temps en temps des hommes doués de plus de force, de vertu et de moyens que le commun des mortels, s'il leur est donné de pouvoir supporter les orages et les coups de la foudre avec la même fermeté que les rochers des montagnes, c'est pour servir à leurs frères de protecteurs et de modèles. C'est pour nous inspirer ce courage si nécessaire dans les épreuves de cette triste vie. Mais combien cet homme remplit mieux encore ce but lorsque le sort l'a appelé à gouverner et que la vocation à laquelle il est destiné par son rang se montre d'abord dans le pouvoir qu'il a sur lui-même. Comment dirigera-t-il les autres, celui qui ne sait pas se vaincre et dominer ses penchants? Mais toi, mon cher Constantin, je te connais cet empire. Depuis le premier moment où nous nous rencontrâmes, tu t'es toujours montré tel à mes yeux, et je ne doute pas que tu ne surmontes la profonde douleur que le récit que j'ai à te faire produira dans ton âme. Nous attendions depuis quelque temps ton ami le centurion Cneius Florianus. Le hasard voulut que sa jeune amie Valérie se trouva ici avec ses parents d'adoption. Instruit de leur passion mutuelle et des obstacles que la volonté d'Auguste et les vertus de Florianus y opposent, je crus devoir communiquer à Asinius Ponticus la nouvelle de l'arrivée de ton ami, lui laissant la liberté d'agir d'après ses devoirs. Il m'approuva, me remercia et fit en secret tous les préparatifs d'un voyage. Mais Florianus arriva quelques jours plus tôt qu'on ne l'attendait, et le préfet de cette ville, Aquilanus, entièrement dévoué à Galerius, le fit saisir au moment de son arrivée comme étant un espion émissaire de Constance. On lui enleva les lettres qu'il avait pour toi et pour Dioclétien adressées à Salone. Je fis inutilement tout ce qui était en mon pouvoir pour faire sentir au préfet son injustice et le danger pour lui-même d'une démarche si illégale, espérant l'engager par là à rendre la liberté à son prisonnier, qu'il ne me fut pas même permis de voir. Mais le calme avec lequel le préfet me parla, et sa sécurité, me firent bientôt craindre qu'il ne fût sûr de son fait. Je vis clairement qu'il n'avait agi que d'après des ordres supérieurs, et ce qui m'avait paru de sa part imprudence et dureté ne fut plus à mes yeux qu'une mesure concertée depuis longtemps pour connaître nos secrets et se venger de toi. Mais Florianus avait eu la présence d'esprit de cacher dans son sein les lettres les plus importantes. Il demanda à me parler, on lui refusa obstinément. Asinius Ponticus, qui ne voyait plus de danger pour Valérie, puisque son instituteur était si soigneusement renfermé, resta à Lauréacum et chercha tous les moyens possibles pour sauver son ancien ami, ou du moins pour lui parler, mais sans aucun succès. Valérie vivait entre la joie d'être réunie dans le même lieu avec son Florianus et le chagrin de ne pas le voir, entre l'espérance et l'abattement, mais cependant n'ayant encore aucune crainte. Florianus, voyant qu'il n'avait plus nul espoir de remettre ou de faire passer dans tes mains et dans celles d'Auguste les lettres qu'il avait conservées, prit le parti de les anéantir. Il parvint avec beaucoup de peine à atteindre la lampe qui éclairait sa prison et à les brûler pendant le temps où il n'était pas enchaîné. Mais il fut découvert, et le chagrin d'Aquilanus, en apprenant qu'il avait eu l'art de lui soustraire des papiers, l'irrita au point que, sans vouloir rien écouter, il le fit traîner devant un tribunal sous les motifs les plus absurdes. Il était composé des ennemis les plus acharnés des chrétiens, et le président, digne adjoint du préfet, avait déjà prononcé la sentence avant que l'accusé eût comparu. Sans lui laisser dire un seul mot pour sa défense, il fut condamné à mort. Je volai chez Aquilanus. Je mis tout en œuvre pour sauver la vie de ton ami, ou pour obtenir au moins un délai, jusqu'à ce qu'un messager que j'avais expédié fût de retour. Soit qu'Aquilanus craignît ce retour, soit qu'il eût des ordres positifs de Galerius, il se refusa à toutes mes instances, en me faisant des protestations de respect et du regret qu'il éprouvait de ne pouvoir concilier son devoir avec mes désirs. Je le quittai profondément affligé et presque sans espoir. Le second jour, il me fit appeler, et commença par m'accabler de propos bas et flatteurs qui me révoltèrent parce que je n'y vis qu'astuce et perfidie. Il me dit ensuite que, par considération pour moi, et par l'estime qu'il ne pouvait refuser à son prisonnier, dont la noble conduite le touchait sensiblement, il voulait avoir recours au dernier moyen qui lui restait pour le sauver, quoiqu'il dût convenir qu'il risquait beaucoup et que sa condescendance pouvait lui être très fatale. « J'appris, me dit-il, que le centurion Florianus est chrétien, qu'il abjure une religion en horreur à Galerius, ainsi que ceux de cette secte le font journellement. J'espère alors que César me pardonnera en faveur de ce sacrifice et que je ne serai pas victime de ma bonne volonté pour l'homme à qui vous vous intéressez. Tu sais, sans que je te le dise, ce que j'ai répondu. Je quittais Aquilinus avec horreur, mais sans aucune crainte sur ce que ferait ton ami. Et il agit comme tel, et comme toi ou moi nous agirions en pareille occasion. Il n'eut pas sans doute un seul moment le désir de conserver sa vie au prix de son âme. Elle n'avait plus d'ailleurs aucun attrait pour lui, mais il voulut que sa mort eût quelque utilité pour ses frères, et pour cela il eut l'air de souscrire en apparence à cette ignominieuse condition. Il trompa son persécuteur, et il offrit de paraître publiquement sur le forum le jour qu'on l'exigerait pour y sacrifier aux dieux. Le bruit de sa soumission et de cet événement inattendu courut dans l'Oreacum et dans les environs. Il parvint aussi jusqu'à nous et à la triste Valérie. Nous ne le crûmes pas, et nous supposâmes quelque chose du projet de Florianus. Pour Valérie, elle était persuadée de sa mort. Elle avait, à notre insu, en donnant tout ce qu'elle avait d'or et de pierreries, gagné les geôliers de Florianus pour entrer un instant auprès de lui. Elle lui avait parlé. Il l'a chargée de plusieurs choses pour toi, que je te communiquerai telles que je les aurais reçues de cette angélique et si malheureuse fille, lorsqu'elle pourra prononcer une parole. À présent, mais je reprends mon récit. Le grand jour arriva. Il faut que je te dise encore que les cruautés de Galerius et de ses créatures ont eu ici des suites très fâcheuses pour le christianisme. Un grand nombre de nos frères ont préféré perdre leur vie plutôt que de trahir leur foi, mais plusieurs, oh Dieu, pardonne cette apostasie à des gens grossiers et abrutis encore par l'excès du malheur, fatigués des tourments de toute espèce qu'on leur faisait souffrir, effrayés des exécutions cruelles dont ils étaient les témoins, embrassèrent le seul moyen qu'il leur restait pour y échapper, et sans calculer que pour une vie d'un instant, ils perdaient peut-être une éternité de bonheur, ils ont fait abjuration et sacrifié aux dieux. Aquilinus, en homme adroit, avait calculé que l'exemple d'un homme que son rang, ses moyens, ses connaissances et son mérite élevaient si fort au-dessus des autres en entraînerait beaucoup après lui. Ton respectable ami avait deviné ce qu'on attendait de lui et conçu son plan en conséquence. Une quantité immense de chrétiens était présente. Florianus parut avec tous les ornements de son rang militaire, et sa figure imposante et noble avait quelque chose de frappant. Tous les yeux étaient fixés sur lui. La pitié, l'amour, la curiosité, l'admiration, le mécontentement, le triomphe se peignaient sur tous les visages, d'après l'idée que chacun avait de lui. L'autel d'une divinité fut allumé sur une estrade élevée. Le centurion en monta avec dignité les marches. Le prêtre s'avança et lui présenta un encensoir et des parfums. Mais au lieu de le prendre, il le repoussa de la main, et se retournant du côté de la multitude sur laquelle il dominait, il commença, avec une voix haute et sonore, à parler avec l'éloquence la plus persuasive. Il fit sentir la nullité des dieux de l'Olympe, et prononça avec onction et chaleur les louanges à l'Éternel. Il parla du Sauveur des hommes avec le sentiment et la persuasion d'un apôtre, et comme s'il eût été immédiatement inspiré par l'un d'eux, il finit par attirer l'attention générale en parlant de la mort qu'il allait souffrir avec joie pour une telle cause, et des récompenses qui attendaient ceux qui savent résister et persister. Sa noble attitude, son regard et son bras élevé vers le ciel, où l'on aurait dit qu'il voyait déjà les anges prêts à poser sur sa tête la couronne immortelle, ne s'effaceront jamais de mon esprit ni de mon cœur. Dès les premiers mots, le préfet lui avait ordonné de se taire, mais le peuple, entraîné par son éloquence et désirant de l'entendre, imposa à son tour silence au magistrat, et ton ami, sans se laisser déconcerter, continua son discours en recommandant à ses frères la persévérance. Alors les prétoriens s'avancèrent avec fureur, un tumulte horrible s'éleva. Le préfet, hors de lui, craignant que sa victime ne lui fût enlevée, donna ordre de le mettre à mort. La garde se saisit du prisonnier, le peuple chercha, mais en vain, à le délivrer. Pour ne pas perdre de temps et ne laisser aucun moyen de le sauver, les soldats l'entraînèrent sur le pont et le précipitèrent dans les eaux écumeuses et rapides de l'Anasus, considérablement augmentées par la fonte des neiges et d'abondantes pluies, et qui bientôt eurent englouti leur proie. C'est ainsi qu'a fini la vie de ton excellent ami, constamment dévoué à la vertu et à notre sainte religion, et qui n'eut pas d'autre but dans ses derniers instants. Il quitta ce monde avec la conviction intime d'avoir donné un exemple salutaire, qui doit fortifier les âmes faibles dans la persévérance à la vraie foi. Je n'ajouterai rien de plus. Ce que je pourrais dire encore ne ferait qu'affaiblir l'impression que ce récit, aussi simple que véridique, doit produire sur ton âme. Il est heureux maintenant, et mille fois heureux ceux qui obtiendront une mort telle que la sienne. Il paraît que dans les courts instants où il a vu Valérie, il lui a inspiré son noble courage et relevé son âme abattue. Une espérance céleste brille dans son regard au travers de ses larmes. Théophanie est sans cesse avec elle. Adieu.